Allez, Gary, viens danser. Come che le belle cette danse, faccio che si bon, ça m'agrade quand ça balance. Quand ça balance, faccio che si bon. Bouti casa come che le belle cette danse, faccio che si bon, ça m'agrade quand ça balance. Casa quoi? C'est le sol. Si tu veux danser les ao, il te faut un surnom. Oh Biu, viens danser le zao, danser le zao. Si tu n'as pas de surnom, invente-en un bon. Oh Bibou, viens danser le zao, danser le zao. Attention, un seul sobriquet c'est tout. Le zao ça peut rendre fou. Mais avec un surnom chacun, on a le zao, on craint des gueules. C'est la danse des surnoms, c'est la danse du zao. Gary, rigueur, viens danser le zao. Le zao ça peut rendre fou. Mais avec un surnom chacun, on a le zao, on craint des gueules. C'est la danse des surnoms, c'est la danse du zao. Gary, rigao, viens danser le zao. Gary, viens danser le zao.